À la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je alors que nous sommes rassemblés en son nom de Jésus-Christ, viens communier avec nos âmes, viens traiter avec chaque cœur, dans ta sainte présence et dans l'amour divin, pour que la victoire de Golgotha devienne la victoire de chaque croyant, et tous les chrétiens rassemblés, et de chaque croyant individuellement, accompagne-nous de proximité et comble-nous de tout ce qui nous manque. Il est celui qui contrôle l'univers, et rien n'échappe à ton contrôle. Ah, la domination dans les cieux, tu as la domination sur la terre, tu domines même sur la terre, quand tu dis Amen, moi je suis soumis, tout se soumet. Et moi tout se soumet. Nous sommes ici pour apprendre l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Entraîne-nous, Seigneur Jésus. Exerce-nous, Seigneur. Fais-nous chaque jour meilleur. Nous sommes des bons disciples dans ton école. Tiens-nous près de toi. Garde-nous dans ton amour divin. Et manifeste ton triomphe. Que la puissance des ténèbres soit perdue. Que les forces du mal soient éparpillées. Et que la puissance de rédemption agisse. Dans nos corps mortels, appelons sur la scène, convaincu que tu es Dieu pour nous écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans la Bible. Avant la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15. Comment vous pouvez répondre à mon capitaine de la mécano? Le verset 20. Vous m'avez pas connu d'aller. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Le seul Christ a fait pour le mal à la couche. Nous m'en allons bosser, mais bango, mais l'aller. Hébreux chapitre 5. Nous prenons le verset 7 à 9. Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'elle soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ephésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir en toute simplicité. Nous allons proclamer l'évangile de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu qui contrôle l'univers. Dieu qui contrôle même la pluie qui tombe. Dieu qui contrôle notre église. Dieu qui contrôle le monde entier. Et rien n'échappe à son pouvoir. Nous vous souhaitons les bonnes conditions d'écoute de la prédication de la parole et que le Seigneur nous l'accorde. Ce temps lui est consacré. Cet intervalle horaire est dédié au culte. Et dédié à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la véritable paix de cœur. Jésus-Christ, il est notre délivrance dans les épreuves. Lui, notre refuge quand nous sommes acculés. C'est en lui que nous nous cachons. Parce qu'il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Il se réfugie dedans. Que ta sécurité soit certaine ce soir. Que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur. Pour l'aimer et le servir avec toi. Bienvenue à la table du Seigneur. Pendant les deux jours qui ont précédé, le mercredi et le jeudi, nous étions en train d'entretenir nos âmes autour de la parole de vérité. Et hier même, donc c'était toujours la même parole qui nous a appris à apprendre à obéir, apprendre l'obéissance à la parole de Dieu. Et le mercredi, une belle inspiration avec le prophète. Et le Saint-Esprit nous a conduit à glaner, à manger de cette inspiration-là. Alors, la petite pensée de méditation, le ciel n'est pas divisé en morceaux pour nous les humains. Le ciel n'est pas divisé en différentes parties. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. À l'Éternel, notre Dieu appartient à la terre. Au Seigneur, notre Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux. Ça, c'est une vérité absolue indiscutable. Donc, commencer un débat là-bas, c'est vouloir s'égarer dans la foi. La Bible est notre absolue. Ce qu'elle dit, c'est la conclusion finale. Et ce qui doit être retenu est toute pensée contraire et diabolique. Nous sommes bienheureux dans la parole. Alors, nous avons commenté depuis dimanche, nous avons commenté Apocalypse 3, verset 21. À la fin de la prédication de dimanche, nous avions eu à lire une citation du prophète William Branham qui dans la prédication « Comment puis-je vaincre ?» Et il a ressorti la bonne traduction, la bonne compréhension à saisir dans Apocalypse 3, verset 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, non pas sûr, mais dans mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur mon trône. La bonne traduction était celle-là. Et je crois que chacun de nous a retenu ça. Et le trône, un trône est placé au-dessus d'un domaine. Quand le Seigneur a dit que c'est lui qui vaincra, il le fera asseoir avec lui dans son domaine. Dans son trône, ça voulait dire dans son domaine. Le domaine où s'exerce la royauté de Christ. Où s'exercera la domination de Christ. Les vainqueurs auront leur parcelle de pouvoir. Chaque vainqueur. Tous les vainqueurs. Membres de l'épouse parole. Ils auront leur part d'être. Qui dit amen sincèrement. Mais battez-vous pour ça. Alors, dans nos traductions françaises, je pense que là, la plupart, ils sont en train de dire, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Sur mon trône. Mais la mise au point n'est pas faite en bas. Quand on dit que ce n'est pas sur son trône, ce n'est pas Frère Branham qui invente cette traduction-là. Ce n'est pas lui. Mais les traducteurs eux-mêmes, il y en a un qui est arrivé à les dire comme ça. Dans la traduction du roi, la version du roi Jacques. En anglais. Bon, même en français, si vous allez avec la traduction du roi Jacques, Malheureusement, notre projecteur est en souffrance. On allait le projeter ici parce que la technique possède cette version. La James version. La traduction du roi Jacques. Voilà, c'est 3 verset 21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. In my throne. C'est dans mon throne. Dans mon trône, et c'est ça la version qu'utilisait Frère Branham. Quand il fait le correctif, c'est par rapport à ça. Il a inventé une traduction pour lui-même. Ça existe et c'est la bonne traduction. Donc, si nos langues françaises nous ont égarés, là, ce n'est pas le problème de Dieu. Ok. Donc, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. Dans mon trône. In my throne. Et nous devons retenir ça comme cela. C'est la bonne pensée. Et c'est ce que mercredi, le programme s'est posé une question. Mais au sujet de cette prophétie qui m'a été donnée, à cause de cette décision de savoir aimer sans tenir strictement la parole, une vaste portion du ciel t'attend. Une importante portion du ciel t'attend. C'est poser des questions là. C'est vrai que la traduction est éprouvée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça voudra dire que nous devons aller au ciel de Branham. En tout cas pas ça. En tout cas pas ça. Est-ce que ça voudrait dire que les jours où je vais mourir, il en serait ici alors? Non plus. Bongo fete. Il dit, le ciel, c'est le royaume des cieux. Le ciel, c'est le royaume des cieux qui est à nous. Et c'est ce que nous attendons. Et alors, il ajoute, le ciel n'est pas divisé en différentes parties pour nous là. S'il y a une division du ciel, ce n'est pas en différentes parties destinées aux humains. Mais s'il y a une division du ciel, en 7 dimensions. Qui sont les 7 dimensions des cieux. Les 7 cieux appartiennent à Dieu. Mais Dieu, son trône littéral, est situé dans la 7e dimension. Qui est la perfection des perfections. 7e dimension. Dans la 7e dimension. La dernière est la plus élevée. C'est là qu'il y a le trône littéral de Dieu. Tel qu'Isaïe le prophète l'avait vu. Et tel que Daniel le prophète l'avait vu. Tel que Ézéchiel le prophète l'avait vu. Tel que Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, l'avait vu en son temps. Cela existe bel et bien. C'est un trône littéral. Il existe dans la 7e dimension. Qui est la perfection de la perfection. Le lieu le plus parfait. Le lieu le plus parfait. Ni pensée impure, ni pensée. Tout et merveilleusement et parfaitement saint. C'est le saint de saints. Pour le lieu très saint. Il a été représenté symboliquement dans le tabernacle des hauts déserts. C'était aussi appelé le lieu très saint. Pour le saint de saints. Et c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Là où la manne cachée qui tombait du ciel était gardée en mémorial. On la ramenait là-bas dans un vase. On l'a posée sans l'arche. Et grâce à la présence de Dieu, cette manne-là ne pourrissait pas. Année en année. Mais quand elle est tombée dehors, au décès, elle n'avait une validité que de 24 heures. Elle tombe aujourd'hui, elle est ramassée à manger aujourd'hui. Elle est jetée. Elle était l'ordre de Dieu. Si vous en avez trop, ramassez-moi. Ne vous faites pas de l'épargne pour faire la manne jusqu'au lendemain. Par les jours suivants, vous trouvez les asticots des gens. C'est la même manne qui pourrissait sous la lumière du soleil. Il y a 24 heures. On mettait dans un vase. On l'amenait dans le lieu très saint. Là où la gloire de la Shekinah résidait. Là où la colonne des nuées s'élevait. Là où la colonne de feu apparaissait. On mettait les vases de manne là-bas. Et elle restait intacte pendant la vie. Comme pour dire que la présence de Dieu regardait vos corps mortels. Et elle restait Quand tu vis dans la présence de toi-même, il y aura trop d'échecs et de failles. Il y aura pas mal de problèmes. Entre dans la présence de Dieu. Tout est à merveille. Ça émerveille, ça étonne. Ça réjouit le cœur. C'est une merveilleuse joie. Que Dieu vous l'accorde. Ce qui est la résurrection et la vie. Que Dieu te l'accorde. Dans ta vie à toi, les merveilles innombrables. Les merveilles qui proviennent de la présence de Dieu. Les merveilles qui proviennent de la gloire de la les merveilles que dégage la colonne de feu. Alléluia. Amen. Le même Dieu de Moïse, le même Dieu de Paul, Paolo, le même Dieu de Branham, nous croyons sa parole, la parole immuable, mon cœur à moi aime sa parole. Voilà comment il est si merveilleux. Alors, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. À mon trône. Même si ton corps doit passer par des maladies chroniques. Même si ton corps doit endurer des maladies chroniques toute ta vie sur terre. Il doit savoir non pas quoi vaincre. Mais quoi vaincre. Avec ton état physique. Si tu n'as pas la liste de quoi faire, nous devons au moins savoir comment faire. Obéissez toujours à la parole. Gardez toujours la parole. Prenez-vous en strictement la parole. Même avec vos maladies chroniques. Votre place dans le ciel ne se perd pas. Parce que la promesse est pour celui qui garde la parole. Parce que la promesse est pour celui qui garde la parole. Non pas pour celui qui est en bonne santé. Vous êtes pour la qui ne tombe jamais malade. Et à quoi est maladie dans votre santé? Est faite à celui qui garde la parole. Et à quoi est-ce que vous allez combattre la Yehova? Garde la parole. Battre la Yehova. Même si on doit se moquer de toi. Même si ça deviendrait un sujet de raillerie. Même si vous allez mettre en chanson. Garde la parole. Battre la Yehova. C'est la seule manière pour toi d'être guéri. Est-ce que tu crois ça comme ça? Même avec un corps faible. Et apparemment maladie. Peux-tu garder la parole? Tu continueras à dire par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Mais chaque jour, tes plaies vont sentir mauvais pics. Il y aura des mouches supplémentaires qui viendront pour garde la parole. Et ta bouche peut commencer à sentir mauvais. Mais garde la parole. Tu peux perdre même la vue au point de ne plus voir. Mais garde la parole. Tu peux perdre même le travail et même tous les avantages sociaux. Garde la parole. Quand tu gardes la parole, tu es vaincu. Quand tu lâches la parole, tu es vaincu. Adéviens que pourra, gardons la parole. Frères et sœurs, gardons la parole. Chère Église de Dieu, gardons la parole. Amis prédicateurs, gardons la parole. Chers pasteurs tous, gardez la parole. Chers diacres, huissiers, gardez la parole. Amis connexeurs de chant, administrateurs et consorts, gardez la parole. Vos fonctions, c'est bien. Mais ça, nous allons faire mal à la tête de la vie. Pour être loyal envers les gens. Vous allez nous prendre pour faire vivre, pour faire la bataille. Gardez la parole, c'est mieux. Vous battez la Yehova. Elle est une lame. Même les hommes vous rejeteraient. À tabac, tu vas pouvoir parler. Si les gens vous retireront leur confiance. À tabac, tu vas pouvoir nous la voter la canne. Toujours la parole. Vous battez la canne, c'est Yehova. Même quand ils vont vous rejeter. À tabac, tu vas pouvoir parler. Toujours la parole. Battez la nouvelle Yehova. Celui qui garde la parole est plus qu'un vainqueur. Même maintenant là. À l'instant même ici. Là où tu es. Il faut celui-là qui garde la parole. Sache que tu es plus qu'un vainqueur. Peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant tu dois l'apprendre. Si tu es celui-là, tu dois le retenir. Tu dois reconnaître dans cette identité. Heureux sur cette peau-là. Vous allez dans le monde, dans le monde, dans le monde. Plus qu'un vainqueur. Vous ne savez pas que tu gardes la parole. Vous allez combattre la parole. Il garde la parole tout le temps, chaque fois. Mais comment elle va tant plus qu'un vainqueur. Vous n'êtes pas molongi. Maintenant même dans ces moments de prière. Oui. Garde la parole. Battez la Yehova. Nous revenons à Jean 15, verset 7. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ici, il s'agit de garder absolument la parole dans la prière. Si ces paroles demeurent vraiment en nous, ces paroles se reflètent à travers nous, ces paroles s'expriment à travers nos lèvres, nous gardons la parole. Nous gardons la parole. Ne voyez-vous pas la parole prendre soin de nous? La pluie là, comment je venais ici, c'est tout sombre. Hein? Regardez comment il est atténué. Dans la zone où nous sommes réunis ici. Parce que vous êtes sous la garde de l'Alliance. Dans la simplicité. Nous n'avons même pas prié que Dieu arrête la pluie. Nous souhaitons meilleures conditions d'écoute. Et vous êtes en train d'écouter, n'est-ce pas? Vous allez koyoka. La parole entre. Vous allez koyoka. Elle trouve place. Hein? Écoutez ce qu'il y a. Gardez la parole vous garde. Elle vous gardera plus que vainqueur. Elle vous gardera toujours victorieux. Mon ami, garde la parole. Ne lâche jamais la parole. Fais de la parole de Dieu la petite fleur de ta vie. Fais de la parole le secret de ton succès. Le secret de ta réussite. Le secret de ton avenir heureux. Que ce soit la parole de ton Dieu. Que Dieu te bénisse et te l'accorde. Est-ce que vous demeurez en moi? Que mes paroles demeurent en vous? Demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le tabernacle de chrétiens qui a voté ça. C'est la parole du Seigneur dit. Jésus est témoin. Il sait que je ne le calomnie pas. C'est la véritable parole. Ce que nous lisons ici, ce sont les véritables paroles de Jésus-Christ. Et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Alors ce soir, nous revenons à notre sujet. À ce sujet-là qu'on avait interrompu momentanément. Priant pour la résurrection. D'entre les morts. Priant pour la première résurrection. On l'avait entendu parce que Dieu a changé la conduite vendredi passé. Alors, on ajoute quelque chose là ce soir ici. Troisième partie de cette pensée de méditation. Priant pour la résurrection d'entre les morts. Ou bien priant pour la première résurrection. Qui est imminente, qui est proche. Chers amis, nous prenons Jésus-Christ comme divin modèle. Et nous prenons sa parole comme absolue et réellement. Dans ce genre de méditation. Nous ne pouvons pas nous lever et supposer que tout est acquis simplement comme ça. Nous devons connaître quels sont nos droits. Parce que Jésus-Christ lui-même, qui ressuscita d'entre les morts, qui est notre divin modèle, il avait également une promesse qui parlait de lui. Et il a eu au courant de sa vie terrestre, a revendiqué cette promesse. Il était conscient de ce que la résurrection lui était promise. Et il n'a pas laissé cela s'accomplir au sort du hasard. Mais nous avons lu ici dans Hébreux chapitre 5. Revenons là. Hébreux chapitre 5. Comme ceci est important. Le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris. Hein? C'est pas un badina, hein? En abordant le sujet en rigolant. C'était sérieux. Très sérieux. Lui qui était la parole faite chère qu'on appelait hier. Lui qui était l'homme parfait. Irréprochable. Comme quiconque. Irréprochable, je veux dire sans pareil. Irréprochable. Parole faite chère. Tu es devenu homme. Mais conscient de cette promesse. Et sachant que quand Dieu donne des promesses à ses croyants, le diable est celui qui vient s'asseoir dessus ses promesses pour empêcher qu'elles ne se manifestent au profit des bénéficiaires. Quand Dieu fait des promesses, elle reflète, elle dégage vos droits. Chaque promesse que Dieu vous donne devient votre droit. Vous avez entendu la promesse. Le diable et son système, c'est lui qui aime s'asseoir sur ses promesses pour les empêcher de s'accomplir dans la vie des héritiers des promesses. Parce que les héritiers des promesses, ils ne combattent pas. Ils ne revendiquent pas leurs droits. Les promesses-là pourraient rester lettre morte. Là, ils veillent pour être accomplis. Mais les croyants doivent les revendiquer pour les palper. Il faut la conjonction de ces deux phénomènes. Mais le Seigneur qui a fait la promesse est fidèle. Et les croyants qui la promesse est faite, c'est approprié. Le Seigneur a conduit sa voix à lui. Le Seigneur a fait la promesse. Pourquoi? Elle risque d'être inopérante. Mais elle agira auprès de. C'est celui qui la réclame. C'est celui qui en connaît l'importance. C'est celui qui veut parler la chose. Voulez-vous vous distinguer? Est-ce que vous prenez conscience? Vous ne vous limitez pas à dire Dieu a promis Malachie 4. Oui, Malachie 4 est dans la Bible. Malachie 4 est dans la Bible. Personne ne lise, non? Mais aujourd'hui, combien croient que Dieu a déjà accompli ça? Les promesses de Dieu. Malachie 4, je vous enverrai Élie. Élie est-il déjà venu au pas? Maintenant, toutes ces nombreuses dénominations, dans l'écuménisme, maintenant ils sont en train de prier sérieusement pour le pape Benoît XVI. Il est gravement malade. Et même son successeur, le pape François, originaire d'Argentine. Là dans l'Amérique du Sud. Mais quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, le pape a exhibé sa mondanité. Pour vous dire, ne croyez pas qu'il soit Saint-Père comme vous l'avez dit. Vous savez ce qu'il a fait comme scandale? Il a pris les drapeaux de l'Argentine, il a agité, il s'est fait photographier avec ça. Lui, qu'on prétend être Saint-Père, il est fier du drapeau de l'Argentine. Alors on vous dit, ne jouez pas avec les origines naturelles de quelqu'un. Reste lié à ça par l'ombilique. Quelles que soient les fonctions et l'élévation. Le pape s'est dévoilé devant tout le monde. Il a pris les drapeaux dans les yeux. Mon Dieu. Ça y est. Et nous, si les léopards gagnent, pouvez-vous imaginer le tabernacle chrétien prendre le drapeau de la RDC? Même si nous sommes originaires d'ici, nous vivons ici, nous ne ferons pas ça. On forcera l'étranger. Et non, nous n'avons rien contre notre drapeau. Mais nous aimons la bannière de Christ. Il est pour nous Jéhovah. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon drapeau. Alors, que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Non pas les drapeaux nationaux. Le pape. Papa. Oh, ce sont des mondains. Moutakalibimi. Ah, on pensait qu'il est... Oh! Méfiez-vous de tout ça. Pour nous, c'est tout un message clair. On a dit que il ne faut pas dire, frère David, vous voulez profiter. Mais c'est une question de vous dire, je ne profite de rien. Je confie. Je confie. Je confie. Je confie. Je confie. Ces gens-là sont des païens. Je ne pas dire. Amen. Nous devons être fiers de Christ. Et il est la parole. La parole de l'air. Les promesses de Dieu pour ce temps. Vous voyez? Maintenant, lui, le pape a demandé à ce que les ses amis, pour le pape Benoît XVI. Ma bonde la pona papa Benoît XVI. On nous a donné le titre du pape émérite. On m'a fait ça que papa Oyo a salué mon salami à pona mon salami le pape. Il a démissionné pour raison de santé. Oui, alors moi qui n'ai pas là pour aller couper ton colombolo. Et on a élu un nouveau pape. Bah c'est papa monsieur ça. À la fenêtre là ils sont sortis avec Abemos papa. Bah béni était Valérie Bongo la côté la terre Bongo. Abemos papa. Nous avons fourni papa Moussoussou. Eh, on a tout. Ah. Et que j'aime sans tout. Azali la papa Moussoussou. Voyez ça, et on est allé comme en retraite. Et à tout le coup, la moussala est fini. Maintenant, c'est lui qui est là. Azali Wana. Avait aussi des problèmes de santé avant. Azali qui est bon, nous autres colons, les amis. Il semble qu'il était un opéré d'un poumon. Azali qui est déjà parti, il n'a qu'un seul poumon. Alors, il entre en fonction, il a déjà signé sa démission. À côté de la moussala, le gars était le courant pour en vigueur, les jours où les problèmes de santé vont s'aggraver. Il y a un gros poumon, nous autres colons, les poumons, ma poumon. Quelle fonction ça? Moussala Nini, oui. Pas de ses dons ni de ses appels. C'est terrible. Hein? Les choses que nous sommes en train de vivre ici. Maintenant, ils sont en train de vivre. Malakia mine mitano na motobo sudo kokitama. Est-ce que la multitude des religieux a-t-elle reçu la promesse? Ba sambeli mingi ba ngamba yambela ka. Est-ce qu'ils ont bénéficié de ça? Bango ba sanguli yango. Est-ce que la promesse de Dieu devient fausse? Il a quand même connu le coup là. Est-elle inopérante? Yango zaliko sala te. Elle est opérante pour ceux qui l'ont revendiqué. Zaliko sala pona ba ba senda ki yango ko ba yepi yango ba muni. Et pendant le même temps. Matango moto moto. Ou vanda ka lugula ba tu zaliko boya yango na mupinda. Napesh. Attends, Dieu est pour nous fidèles. Et il avance avec ceux qui croient. Retenez que l'incrédulité n'arrêtera jamais. L'incrédulité ne veut pas stopper le programme. Ce n'est pas parce que plusieurs églises refusent de réussir. Il a du sens pour une minorité. Il a des sens pour une minorité. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce une promesse? Oui, est-ce que tous les sadducéens de l'époque l'avaient-ils reconnu? Est-ce que tous les pharisiens religieux de l'époque l'avaient-ils reconnu? Est-ce que cela a arrêté le programme de Dieu? Il n'y a qu'une minorité qui a suivi Jésus-Christ. C'est la véritable église. Dieu a tenu promesse. Et il est avancé plus loin. Sans s'occuper des incrédules. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. La promesse de résurrection d'entre les morts. Telle que le Seigneur nous en a annoncé lors dans Jean 5, verset 25. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Cette promesse-là, dont l'heure est à portée demain, proche de nous, il est sur le point de s'accomplir. Mais ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Vous, des vivants, commencez à réclamer. Prenez conscience qu'elle est écrite pour vous. Et Jésus-Christ qui était la parole, irréprochable sans pareil, et savait aussi que une promesse était faite à son sujet. Dans le psaume 16e, ça les concernait. On va le lire dans un moment, mais terminons la lecture de Jean 5. Comment a-t-il géré la situation pendant sa vie terrestre? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes Imaginez. De prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et vous vous demandez, Jésus-Christ le Fils de Dieu, est-ce que vous pouvez lui arriver de pleurer en prière? Oui. Maintenant, toi, n'es pécheur. Tu veux venir à Dieu avec des prières, les yeux secs. C'est tout le genre de religion que tu as présenté à Dieu. Avec des yeux tout secs et le verset très dur comme une pierre. Là où le Fils de Dieu même, la parfaite chair, l'homme parfait, irréprochable sans parole. Il a présenté des prières avec Christ. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Aujourd'hui, toi, tu viens marcher sur un chemin similaire. Savoir prier Dieu. Lui adresser des supplications. Présenter des requêtes. Présenter des demandes. Formuler nos besoins. Et tu viens le faire les yeux secs. Et même au sujet de la résurrection. Attends, on dirait que pour toi c'est déjà accompli quoi. Tu ne sens ni les dangers de rater cela, ni la nécessité de les réclamer pour Dieu. Nami, on c'est grave si telle est l'attitude. Jésus se savait parole infaillible. Tout ce qui était écrit à son sujet devait s'accomplir. Mais dans sa vie de fils, dans sa vie de croyant de promesses, il a présenté à Dieu son besoin d'être délivré de la mort. D'être délivré de la mort. D'être sauvé de la mort. Par des cris et des larmes. À travers, non pas une seule et unique prière. Non pas quelques prières isolées. Mais c'était intense la prière. Avec larmes écrites. Mais si lui qui était le bois vert, pour gagner cette victoire, pour bénéficier cette promesse, comment toi le bois sec, veux-tu espérer dans la facilité et l'enthousiasme religieux être parmi les morts en Christ qui vont ressusciter? Oh, je sais que quand je vais mourir, mon pasteur va dire une bonne prédication. Et par là, je sais que je vais ressusciter. Mais quand on scrute ta vie spirituelle, la résurrection n'a jamais été ta préoccupation. Mais c'est quand on est là, tant que tu es dans un moment de prière, tu n'as jamais demandé ça. Jamais il t'arrivait de mourir. Maintenant, Dieu va te redonner. Pourquoi? Parce que tu n'en as même pas besoin. Ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta préoccupation. Il va aller ta vie acheter les parachutes. Il va aller manger les shawarma. Il va acheter les paquets de biscuits. Et tu veux mettre beaucoup de pilipili dans ton repas. Là, ce soir, c'est Fora. Qu'est-ce que tu fais? Dans ton téléphone, tu fais quoi? C'est quoi, là? La Bible? Tu n'écoutes pas la prédication. Voilà, il faut passer l'histoire. Voilà, c'est que Dieu soit béni. Là, donc, nous ne pouvons pas nous s'occuper de futurité sur la terre. Mais nous devons nous s'occuper des affaires du personnel. La promesse que Dieu a formulée pour il nous, auquel nous devons palper. Nous sommes bénéficiés. Mais quand Dieu promet, il y a le royaume de Satan qui s'oppose à votre bonheur. Il s'assoit là-dessus. Il vient empêcher les choses. Il vient pour tout bloquer. Il vient pour tout bloquer. Souvenez-vous de Daniel. Vous pensez la Daniel. Il a commencé à prier. Et Dieu a aussitôt entendu et répondu. Et qu'est-ce qui se passe? Il est qui? Elle est qui? Il y a un démon qui était là. Et là, qui s'est interposé sur le chemin de l'ange qui apportait la réponse. À Daniel. Et le blocage a duré 21 jours. Trois semaines entières. Non pas que Dieu n'avait pas écouté. Mais vous avez fait des qui écouté aussitôt. Mais pour que la réponse parvienne à Daniel. L'ange qui a porté la réponse. Il veut passer par la Grèce. Allez, Nicoleka. L'idole de la Grèce. Voilà, vous c'est quoi, Dieu? Le bon Dieu de là. Zamba le coupé à Kuna. Il ne passe pas par mon territoire. Allez, il veut aller là-bas par le Java. Allez, Nicoleka Kuna, la Java. L'autre dit pas ici. Vous allez dire, ah, ok. Il veut vous mettre la Grèce. Mais Daniel est sur la terre. Daniel est royaume. Que faire? Il devait livrer la bataille. Et il a eu même du secours d'un autre ange. Qui est venu dépanner celui-là. Pour en venir à bout. Le chemin de Dieu demande la patience. Quand tu marches avec Dieu, il le dit sérieusement. Il y a des combats des fois qui dépassent ton entendement. Il y a certaines batailles qui dépassent ton entendement. Et que Dieu te fasse grâce de comprendre le pourquoi les choses. Tout ce que tu demandes par la foi, tu le recevras. Mais Dieu seul sait par quel combat. Tu demandes, lui donne. Maintenant que la réponse arrive. C'est encore un autre problème. Il a déjà donné. Mais combien on va détourner? Tu connais qu'on va bloquer. Aïe qu'on a canisé là. Aïe boy, bah tu vois les boulots. Et tu continues à soupirer. Vous allez pour quoi là pour tu continues à supplier. Vous venez là. Tu continues à réclamer. Ouais, et Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point vous relâcher. Car toutes ces oppositions sont déjà vaincues. Je ne t'entends pas. Toutes ces oppositions sont déjà vaincues. Christ, en versant son sang, il a payé le prix complet. Et nous avons une totale victoire. C'est celui qui a la foi dit Amen. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Et moi j'aime tellement ça. Comme il est bon. Écoutez, Bouka. Ici, dans le psaume 16e, on peut relire la promesse concernant le Messie. Nous le savons fort bien. Par la grâce de Dieu et les prédications antérieures. Et psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et qui était ce bien-aimé là? C'est lui qui au jour où Jean-Baptiste l'a baptisé. A entendu du ciel la voix qui disait. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Le bien-aimé de Dieu ici. Jésus-Christ là. Et quand il avait l'inêtre sur la terre, regardez la conscience qu'il avait, Hébreux chapitre 10. Il n'a pas déraillé, il est resté dans la voie. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Amen. Alors j'ai dit, voici je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Nabongo, ala, eye kiso kati na mokili. Alobati yeke, wangaki mbekante makabona kotonga te. Kasi wasili kobongi selanga injoto. Wasepeli mbeka na kotonga te, mibomba pona masumu te. Miboma pona masumu te. Boye, nalobati yeke tala na sili koya, ekomami pona ngai kati. Dans le rouleau du livre prophétique, Jésus savait qu'il était question de lui. Et même si au psaume 16e verset 10, Jésus, quand il vivait sur cette terre, dans les avenues de Galilée, là-bas à Nazareth, même dans la ville de Jérusalem, il est éclairé par le même soleil qui nous éclaire. Mais la pluie qui tombe sur nous était tombée sur nous. Quand il était sur la terre, mais il savait que le psaume 16, verset 10, ça parlait de lui. Et ses disciples, par le Saint-Esprit, ont su la même chose. Et Pierre, après que Jésus soit allé au ciel, il dit ceci. Dans Actes chapitre 2. Au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Vous entendez les mots? Lui, pendant sa vie, a présenté des prières avec larmes écrites, des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver. En d'autres termes, des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. C'était son sujet de prière. Pendant les jours de sa chair, pendant qu'il vivait sur terre, il a présenté non pas une seule et unique prière, mais quelques rares prières à son sujet. Le sujet était tellement capital, le besoin était tellement sincère, et c'était un défi à relever, tant pour les humains du monde que pour le royaume de terre. Alors, il devait relever ce défi. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Les liens de la mort. Donc il a été délié de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Pourquoi il n'était pas possible que lui soit retenu par là? D'abord, Dieu a promis que la promesse lui était faillible. Ensuite, lui-même a révélé cela. Tout au long de sa vie terrestre. Et il avait témoigné que le Père l'exauçait toujours. D'un côté, la promesse lui était faillite. Et Dieu ne peut jamais mentir à la promesse. De l'autre côté, Dieu exauçait toujours son fils. C'est lui qui a appris l'obéissance. Et il faisait toujours ce qui lui était agréable. Et pour ça, il a été exaucé. À cause de sa piété. Quel divin modèle n'avons-nous pas là? La Tiffany ne vous en mette pas là. Le nom de Jésus soit béni éternellement. Un modèle parfait que nous devons reproduire. Parce par les deux feux conjugués. C'est infaillible et véridique de Dieu. Promesse reconnue comme droit par le Christ. Il a revendiqué sous forme de prière et de supplication. Alors l'Esprit du Père ne devait quelque chose état. Vous ne ressusciterez jamais d'entre les morts par hasard. Ce ne sera pas un concours de circonstances. Ceux qui doivent ressusciter, ce sont ceux qui prennent conscience de ça et qui se mettent dans les lignes de promesse de Dieu et réclament leurs droits. Amen. Vous qui négligez, négligez bien, attendez, voyons voir, quand Christ appellera ce jour-là, vous n'entendrez rien, et ne soyez pas surpris. Comment moi j'étais dans le message du frère Branham, le mort à Christ est reçu de moi, je ne suis pas dit non. Le message n'était pas faux. Tu as pris les choses comme des blagues. On annonce de grandes promesses comme la résurrection d'Ancien. Et tu penses que tu vas ressusciter par hasard, par un coup de baguette magique. Regarde même la guérison divine. Quand ton corps tombe malade. Est-ce qu'il guérit moi spontanément comme ça? Moi chrétien. Quand il tombe malade. Donc la guérison vient de soi. Tu n'as rien à réclamer. Il n'y a pas une prière à faire. Il n'y a pas une prière à faire. Or ça c'est pour guérir du corps, d'une partie du corps. Et vous pensez que pour ressusciter tout le corps entier, ayant revêtu la raideur cadavérique après la mort, tout le sang ne sillonne plus dans le cœur s'est arrêté. Et on est allé jusqu'à vous mettre du formol. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous a mis dans une chambre froide pour tout glacer. Et comme si ça ne suffisait pas, on vous tire de là, vous mettez la tombe, et vous pensez que pour sortir de cet état-là, ça va venir seulement spontanément comme ça. Il faut pas arriver. Frère, ne rêve pas jusqu'à ce niveau-là. Et tu vas venir faire du chantage. Oh, naïe, mais je suis bien away. Pour le balou, papa, ma soeur, je vais la coucher dans la comédie, je vais la coucher dans mais c'est là où on est là. Tu vas attendre l'appel, la fin de l'endroit. Tu vas aller pour y aller. Que toi, tu étais faux. Vous allez qui m'attendre. Tu étais parfait dans le message. Vous allez me et l'aventurier tout fait. Vous allez m'attendre, mon bimba penda. Prenons les choses au sérieux. Vous allez m'attendre, mon la guérison divine. Vous dites qu'on a fait tout. Le frère dit qu'elle est l'ombre de la résurrection des morts. Vous allez m'attendre, mon bimba penda. Vous allez à peu près comment pour obtenir la guérison. Vous allez m'attendre, mon bimba penda. Que par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Malgré la promesse, la ka, des fois nous menons des combats terribles. La mingi to bunda nous allons à palper la guérison complète. On a koma, tu confesses la foi dans la promesse. Tu la déclares dans tes prières. Et la maladie résiste. Elle continue à faire la tête. La fièvre revient encore. Le monde est tellement difficile. changer tout le corps. Tango kosenga kubonga la zote mabimba. Le corps corruptible revêt l'immortalité. Zote ya kupula ilata kuzama kukufa. Il faut que la promesse trouve place en toi. Et c'est la parakoute si pakati na yo. Que tu l'aies reconnu comme ton droit. Oui, bango lokola na kofi na yo. Et que tu l'aies revendiqué. Ukanda ngo. Kuzala kalo lenge wana kwa na kofi. Bango le jour de ta vie sur terre. Na nikolo ya bongo na wana bile. Di amen. Alors vous le bango. Ne prenons pas les choses à la légère, mes amis. Nous avons makambo ira nzambe tena pamba na ninga. Beaucoup de combats à mener. Il y en a vitu mamingi ya kugunda. Le chrétien a beaucoup de combats à mener. Il n'y a pas de temps à se distraire. À prendre un peu un verre de pied. À fumer un peu de cigarette. Ne bouge que des tiges. Un vrai chrétien n'a pas été apparu. Il y a plusieurs défis à relever. Nous sommes slaves. Il veut nous utiliser pour faire notre propre célébration. Pour dire que l'évangile est un échec. Le Christ doit défendre les couleurs de l'apostolat. Le Christ les couleurs de la victoire de Golgotha. Voilà langue, il y a une langue à Golgotha. Sur toutes les maladies. Sur chaque tentation. Amen. Je lis et je vais lire. Écoutons et disons amen. Dieu l'a ressuscité en les délivrant de liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez, il l'a délié. C'est le même Jésus qui a dit aussi devant la tombe de Lazare, Lazare sort. Et quand il est sorti, il est délié. Et Jésus a dit, déliez-les. Vous vous rappelez? Alors faisons une parenthèse avant de lire le verset 25 que je vais lire. Je vais lire le frère Branham quelque part ici. Vous avez un frère Branham, n'est-ce pas? Oh, il faut aimer frère Branham. Oh, dans les sermons, la demeure future de l'époux. C'est l'époux. Prêché le 2 août 1965. Il a utilisé le même mot quand il a dit à l'anneau. Il a dit, détachez l'anneau et laissez-le aller. Détachez ou déliez-les. Un anneau qui était attaché, qui était supposé être à un propriétaire, appartenir à un propriétaire. Il a dit, le maître en a besoin, déliez-les. Il n'est pas rendu. Donc, brisez ce lien. Donnez-lui la liberté et amenez-le libre. Et Jésus aussi devait entrer dans les liens de la mort. Et quand il est entré dedans, Dieu devait les délivrer de ces liens. Que les liens soient coupés. Il est le même qui délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Les psaumes. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Il a dit, déliez-les. Autrement dit, changez-les. Il était attaché. Et ensuite, laissez-les aller. Mais déliez-les. Brisez ces liens. Et Lazare, cadavre, ligoté. Lazare, devient un vivant libre. Il a un nouveau statut. Il soit changé par le Dieu qui peut tout changer. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan aussi. N'est-ce pas? C'est une des promesses. La terre sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux de dominants. Afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu. Pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre les mains de Satan, la politique, Satan c'est lui qui gouverne la terre. Il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Autrefois, j'étais sa propriété. Moi là, j'étais la propriété de Satan. Mais j'ai été délié. Spirituellement parlant. Par l'homme fort qui est entré dans ma vie. Jésus-Christ, l'homme fort. Du monde spirituel. Du domaine visible et invisible. Jésus-Christ est l'homme fort. C'est lui qui nous délie. Autrefois j'étais sa propriété. Mais plus maintenant. Satan pouvait nous guider par nous, tirer par les bouts du nez. Nous étions sous sa domination. Plus maintenant. On attend qu'on pèse et sauter. Même pas deux minutes à pèse Satan. Et ça fait. Toboy. Toboy. Nous sommes à Jésus-Christ. 24 heures sur 24. Autrefois, cette petite femme était sa propriété. Mais plus maintenant. Vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. Il y a diable et Dieu vient relâcher l'emprise. Manipulation du diable n'a dit à bout. Pia. Il faut ici la paix et ici. La manipulation des mains sataniques. Les attraits du péché. Les attraits du mal. Il est venu en faire lâcher l'emprise. Il a fait lâcher l'emprise du péché. Il a fait lâcher l'emprise de Satan. Sur ma vie. Sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes pas à lui. Vous allez ailleurs. Mais avez-vous souvent entendu dire en prier. Enlève tes mains de la propriété de Dieu. Vous allez ou en prière, les prophètes, ou les frères, ou les chrétiens, il dit, ôte tes mains sales. Ça, c'est une propriété de Dieu. Tu viens là pour essayer de tenir ta foi, au fond de la vie, au prédicier ma femme, au yiba gayango. Et dit, oh, il a surprise. Parce que dans notre foi, il y a la puissance. La puissance de Dieu qui délie. Qui donne la paix. Voyez, il dit, amen. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Je répète, ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Amen. Ne vous contentez pas de dire que c'est à moi, mais le diable est là. Il est un grand voleur et meurtrier. Il vient pour voler tes bénédictions. Voler tes progrès. Voler ton salaire. Voler tes promotions. Voler ta bonne santé. Il vole tout ça. Satan était méchant. Il a eu beau. C'est un voleur. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tirer. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Que les aient cette vie en abondance. Oui, cette vie abondante, la vie de prière, la vie de la parole, la vie de sainteté, la vie de piété, la vie d'obéissance, la vie de conséquence. Où est ça? Jésus est ton berger. Où est cette vie là? Il y a un problème. Il est berger nominal. Berger de nous. Il est venu pour que ce brebis ait la vie. Il ne peut pas manquer la vie chrétienne. Tu ne peux pas être pauvre en vie chrétienne. Avec un bilan médiocre. Si Jésus est réellement ton berger, Vous allez ça doit se voir. Ne nous contentons pas d'être des croyants dénominationnels. Comme tu frères, comme tu sœurs. Mais bilan, quel bilan spirituel ta vie porte. Qu'est-ce que tu as comme comportement? Qu'est-ce que les autres savent de toi? Les païens de l'homme. Les terminationnels. Tu as appelé chrétien? Parce qu'ils aussi lisent la Bible. Et ils savent que vous qui êtes des messages, vous êtes censé être au-dessus. Est-ce que tu es vraiment au-dessus? Toi ma sœur, là où tu es. Mais comment on peut trouver des sœurs qui vivent dans la fornication? Allez, il y a un alati ba mini, il y a un alati ba bilamba scandale, na ba serre corps et des histoires compliquées. Attends, na ba rouge à lèvres, na ba boucle d'oreille, avec des chaînettes et tout, Jezabel au loin. Mais nandako, tant qu'on m'a capé nandako, il y a un assez changé, alors qu'il y a un dengue ba, il tindi, milayi et tout, hypocrite. Dieu vous jugera, lui qui vous a donné des parents chrétiens. Dans ma conscience, il y a fait que nous avons fait la Christo. C'est déjà un grand jugement. Parce que vos parents, à vous, n'ignorent pas Dieu. Ils ne sont pas payés à leur devoir, ils vous ont montré le chemin de Dieu. Vous êtes déterminés à les déshonorer. On ne pomba, on lingo suki sabango. Ok, ça là qui pomba qui démon, au cola sa motole, d'abokonzia, l'iselo. Ça là qui pomba, wa. Dimana le ingwana. Ça là qui pomba. Ce qui s'appelle parent, il s'appelle mon son. Le problème est là-dessus. Mais qu'on fout. Qu'on fout à ma son naïon. Et tu seras puni plus sévèrement que les païens du monde. Vous êtes tous ma casse, vous êtes tous ma casse. Tu as des parents chrétiens. Vous êtes tous ma casse, vous êtes tous ma continue à blaguer. Il y a un jugement pour tout. Vous n'êtes pas placé dans les mêmes conditions que tout le monde. Vous êtes dans quelles conditions vous êtes venu naître ici? Et qu'est-ce que votre famille vous a donné comme part? Comme indication. Et combien vous crachez dessus? Vous serez jugé mon ami. Plus sévèrement. Alors vous, Dieu a donné beaucoup. Plus que vos amis que vous convoitez, que vous avez. Mais quand les promesses vous sont communiquées, alors prenez garde. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Il y a un ciel à gagner, et il y a une affaire à sauter. Chacun doit faire son choix. Quel voulez-vous gagner à la? C'est entre vos mains. Vous n'avez pas de combat pour la vino. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. Alors on aime dire, enlève ta main d'elle. Enlève ta main de lui. Vous voyez, la foi le fera. Oh là là, pas l'anéantir, mais seulement enlève ta main de là. De lâcher, le laisser aller. Le faire passer et ça se couche. Amen. Alors, Jésus-Christ était entré dans les liens de la mort. Mais la mort était devenue incapable de le réparer. À cause d'une bonne préparation. Une préparation suffisante. Pour affronter cette dure bataille. Et Jésus en est sorti plus que vainqueur. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin sauveur des mondes. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et bien bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, c'est là c'est dit, que je suis mort. Oh bonheur suprême, la Bible elle est dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, c'est la messe. Plus que vainqueur, il est sorti de la tombe. La mort était devenue incapable de le retenir. Donc aussi le jour où tu entreras, la mort aura un délai. Reposera là jusqu'au jour où le cri de commandement retentira. Jusqu'au jour où la voix d'archange retentira. Dès que la voix d'archange retentira, le lien de la mort se déchirera. Parce que toi, moi, tu l'entendras. Et tu sortiras du tombeau. Mais il faut une bonne préparation pour ça. Consciemment. Consciemment. Nous revenons ici à Actes des Apôtres chapitre 2. Le verset 25 maintenant. Car David dit de lui, ce qu'on a lu dans le psaume 16 verset 10. Nous remontons au verset 8. 9, 10. On prend tout le texte. Car David dit de lui Jésus-Christ. Donc Pierre, qui est un disciple de Jésus, reconnaît que ce psaume concernait Jésus-Christ. C'était au sujet de Jésus de Nazareth. Quand David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Amen. Et le verset 10 équivaut au verset 27 d'acte 2 ici. Verset 10 du psaume 16, c'est l'équivalent d'acte 27. Qui dit ceci? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Dieu ne permettra pas. Donc Jésus pouvait aussi s'endormir et se réveiller. Il est écrit, Dieu ne permettra pas. Et une fois mort, tout s'arrête là. Entré dans la tombe, il n'en sort plus. Paresseux. Naïf. Quand Dieu promet, cela éveille souvent la jalousie des démons. Les forces des ténèbres viennent aussi pour contrecarrer. Il y a tellement de défis à relever. Toi chrétien, tu dois combattre tout le temps. Sans relâche. En toute conscience. Je me relis encore ici dans posséder les portes de l'ennemi. Prêché le 8 novembre 1959. Posséder les portes de l'ennemi. Paragraphe 59. À 53. Oh non, paragraphe 49, je vais dire à 53. Suivez ceci. Notre Jésus, divin modèle. Quand il fut injurié, il ne répondit pas par l'injure. Quand il s'est tourné en dérision, il garda le silence. Quand il fut après un démon, il garda le silence. Il avait une seule préoccupation. C'était les affaires du Père. Toi aussi, peux-tu le prendre comme ton modèle? Au lieu de t'occuper des futilités, il y a beaucoup d'affaires du Père. Les promesses du Père dans la Bible, dans son étage. Il faut méditer approfondir. Au lieu de s'égarer dans des futilités, nous resterons quand il mourra. et des choses pour lesquelles tu comptes. Tu vas tout laisser. Tu vas t'en aller comme tu étais venu revenir. Occupe-toi des affaires du Père. Et c'est à cela que lui était occupé. Et puis finalement, il l'amenait à une croix. Il devait affronter la mort. Tous les autres avaient vaincu les maires. Les serviteurs d'autres ils avaient vaincu les maires. Ils avaient vaincu la nature. Ils avaient vaincu des lions. Ils avaient vaincu le feu. Ils avaient tout vaincu. Sauf la mort. Jérémie, Ilimia, Zacharie, Zacharia, Isaïe, Isaïa, même Jean-Baptiste. Maintenant, c'est lui qui devait affronter la mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Il y a une promesse spéciale. Il le concernait lui. Alors, devant un tel défi, on ne peut pas s'y prendre à la légère. Hein. Même pas naïvement. En rêvant que ça va se faire, c'est ma combattre. Il fallait combattre. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Par la et ces gens avaient le pouvoir de triompher la mort. Ils prirent donc ses mains. Ils les tendirent là. Et les clouèrent à une croix. Ils les battirent. Ils les meurtrirent. Au point qu'on pouvait compter ses os. Tout était devenu visible, tellement il avait maigri. Et eux, ils les regardaient. Mais à ce moment-là, après qu'il lui fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant, maintenant, je vais te prendre comme j'ai pris Josué. Je vais te prendre comme j'ai pris Daniel. Et je vais faire tout ceci pour te faire mourir. Il mourut. À tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourut. À tel point que la nature eut honte. Il refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour. Et les étoiles refusèrent de prier. Il mourut à tel point. Et les éléments devinrent si noirs. Et vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature a dit, laisse-moi mourir avec lui. Quand la nature l'a observé mourant, mon créateur mourit. Elle a regardé son père. Elle a dit, non, laisse-moi mourir avec lui. Alors que la nature qui avait vécu ça, qui a réalisé ça, elle a dit, laisse-moi mourir avec toi. Tout s'est arrêté. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Et là, les portes s'ouvrirent. Mais il en sortit le troisième jour et il vainquit cela. Amen. Sa semence procédera la porte de l'ennemi. Il vainquit la mort. Il vainquit l'enfer. en ce premier matin de Pâques. Il vainquit la tombe. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le jour de la Pentecôte, il envoya le Saint-Esprit pour continuer au travers des chantiers pour faire sortir une semence de promesses. Na mabota oyo bayuda te. Depuis mon la Pentecôte a tini mon santo, fete koba ko bimisa. Na kati ya bongo ya mabe, na kati ya kosambela lukuta, na kati ya kosambela kombo, abimisa bimisa, nkona ya bilaka. Amen. Et jusqu'à présent, nous travaillons pour ça. Dans notre chaîne de prière ce matin, nous allons réclamer comme ça. Les vrais enfants de promesses, qu'ils viennent à la lumière, qu'ils viennent à la foi, que Dieu les attrape, que Dieu nous soutienne. Le Saint-Esprit travaille au travers des gentils pour faire sortir une semence de promesse et pour donner aux gentils, à ceux qui étaient bannis, nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre, elle est déjà vaincue. Les enfants des promesses peuvent se reconnaître. Réclamez ce qui leur appartient. Revendiquez vos droits devant le Dieu qui est pour vous. Il est juste fidèle. Nous n'avons qu'à revendiquer la promesse et à aller nous en emparer. Même la promesse de résurrection, naturellement, revendiquons déjà ça. Et nous irons nous en emparer au Samaritaine. C'est déjà vaincu. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Ata tentation ngomoko ici est longama. Ukubanga ukoye na masumu, osumu kabase kayo. O yangane na ingakate na mila kisawa na sambela kamingi, poko ya koko ya boya bato basegi yo. Ça c'est quelle mentalité? Un croyant est un vainqueur. Il est fier d'être vainqueur. Il n'a peur ni de la tentation ni du péché, même pas de la mort. Il est déjà vaincu. Revendiquons nos droits. Dieu a promis et se fait. La tentation est vainqueuse. Tu veux? Tous les démons sont vaincus. Quel que soit leur nom et la gravité de leur tourment dans ta vie, tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. La tombe est vaincue. Nous nous tenons par la croix. Et nous nous en emparons. Avez-vous vu même la grande pluie s'enfuir? Totongi est kakawa. Depuis Totongi est pratique. Totongi est kakate. Kobonis a taillé. Atali ça c'est mon côté de tirer. N'est-ce pas ce soir? Une forte pluie, yinda qui m'a cassé, hein. Voilà. Il y a plus Mexico. Oh, voilà. Nous combattons dans la victoire. Dieu nous donner des expériences sur la simplicité. Nous nous traînons dans la porte et Dieu a dit, la postérité d'Abraham, la semence de la foi, possédera les portes de son ennemi. Partout l'ennemi veut s'asseoir là. C'est la promesse de réflexion entre les mains. Nous sommes déjà au rendez-vous en prière. Pendant que nous aspirons ce souffle encore. La tombe est vaincue. La mort est vaincue. La tâche est vaincue. La maladie est vaincue. Tous les démons vaincus. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Yoka, le prix en a déjà été payé. Mais quoi, c'est même plus trop sur les balles que tu vas tirer. Quand tu as mis tes antennes à ma balle au Kotindika. C'est pas trop ça. La grande victoire de Golgotha, c'est dans ça que tu combats. Amen. Garde la parole, tiens-toi aux promesses. Dieu a dit, je ferai tourner devant toi le dos à tes ennemis. Dans les promesses, dans les écritures, dans la lumière du soir, nous voilà en fuite. Amen. Même pas à tirer. Même pas un seul coup de feu. Fire! Mais toi, tu n'as même pas essayé de faire à tiens-toi dans les promesses. Prie Dieu d'après la parole. En étant fondé dans la parole. Et ce que tu demanderas, Dieu te la connaît. Aussi simple que dire, bonjour frère David. Je ne savais pas que tu étais si précieux frère à moi. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour le dire? On te donne la bonne nouvelle de la vie éternelle et toi tu restes calme. Bonjour frère David. Je ne savais pas que tu es si précieux frère à moi. Nous combattons le même combat. Nous avons la même vision. Vous devez arrêter. Vous devez changer. Jésus a dit, délivrez-les. Je prêche comme ça pour que toi aussi tu sois délivré. Vous tout le monde makila, soukina famille, soukini, il faut se délivrer. Soukini dogi mokonde à l'oka en église, même à ta sakoufa. Puissance dans la parole, hein. Et kangola yo. Et le gimbouya nogi à l'oka yo akoufawana. Parole est tangora ka moto na mobimba. Moi j'ai confiance. J'aime le Seigneur Jésus. L'homme fort de nos vies. L'homme fort de tout l'univers. Plus fort que Samson. Plus sage que Salomon. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Amen, amen. Il y a ici plus que Samson. Il possédera la porte de son ennemi. Combien de milliers de myriades. Il possédera la peau de son ennemi. Et chaque ennemi. Il est ressuscité d'entre les morts. Tout passera dans cela. Parce qu'il nous l'a donné. Tout ça c'est un don gratuit. Et après tout cela, et tout ce qu'il a fait, il a vaincu chaque porte. Il a vaincu la maladie. Il s'est emparé de cette porte. Ce que nous avons à faire, nous allons nous avancer jusqu'à la porte. Je vous fais dire, au nom de Jésus-Christ, le vainqueur. Amen. Ouvre ta porte. Lâche le prix. Si ça va vous connaître. Laisse-moi passer. Sur ton chemin, Dieu a dit, enlevez tout obstacle. C'est la parole. Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens 15, nous l'avons lu ici. Le verset 20. Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est les prémices. Donc si les prémices sont victorieuses, la masse aussi les sera. Les prémices sont saintes, la masse aussi sera sainte. As-tu confiance? Dans Apocalypse 1, verset 5, on nous dit, et de la part de Jésus-Christ, encore lui, le témoin fidèle, suivez bien, le premier-né des morts. Mais il y aura un deuxième année, un troisième année, un huitième année, un vingtième année, un centième année, un millième année, tant que les morts. Mais Jésus-Christ a ressuscité là, il était le premier-né des morts. Ta suite vient. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dites encore Amen. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Qu'il soit toujours ton premier, ton modèle. Alors, ici dans Ephésiens 5, nous avons lu, devenez donc imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Vous voyez, comme lui le bien-aimé, Dieu n'a pas abandonné son corps au séjour des morts. Ni laissé voir son corps voir la corruption. Il n'a pas abandonné son âme au séjour des morts. Ni laissé son corps voir la corruption. Ni le bien-aimé de Dieu. Le fils bien-aimé. Toi aussi. Sois un bien-aimé. Ephésiens 5, verset 1 nous a dit ça. Et venez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants pluriels bien-aimés. Donc bien-aimé comme Jésus le bien-aimé. Bien-aimé à l'image de Jésus-Christ le bien-aimé. Reproduisant son exemple. Imitant son modèle. Reproduisant sa vie. Et vous êtes imitateur de Dieu. La manière dont il a vécu. La manière dont il a prié pour réclamer la délivrance de la mort. Faites de même. Imitez-les. Car lui s'était livré comme cela, comme sacrifice bon odeur à Dieu, pour nous laisser un exemple. C'est pour que nous marchions sur ses traces. Nous reproduisions ses gestes, ses gestes, son caractère. Tu dis Amen. Priant pour la résurrection d'entre les morts. Faites-les selon la parole. Écoutez, vous pouvez prier autant de fois que vous voudrez pour la résurrection d'entre les morts. Pour y avoir part. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit dans votre âme. Vous n'avez pas encore la garantie d'être exaucé. Je répète. Vous pouvez faire des jeûnes. Vous payez des prières. Des supplications diverses. Pour recevoir la résurrection d'entre les morts. Mais si Dieu ne vous a pas encore donné le sceau du Saint-Esprit, malgré vos prières, malgré vos jeûnes, malgré vos supplications, vous n'avez pas encore la garantie d'être exaucé. Parce que la seule personne que Dieu exaucera, c'est celle qui prie comme Jésus. Et Jésus a prié comme ça, étant sous les dessins du Saint-Esprit. Toi aussi, okay. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le sceau du Saint-Esprit. Mais n'oublie pas de prier pour la résurrection. Et quand Dieu vous donne son esprit, et qu'il vous arrive de prier vous, c'est comme si Dieu vous entend, comme si c'est Jésus qui prie. Donc tout ce que vous demanderez, Dieu répondra. Donc l'assurance de réponse à toutes les prières, c'est le baptême du Saint. Tous les autres, hein, toutes les autres choses, hein, c'est comme un oiseau qui bat de l'aile. Tu fais les bruits. Reçois d'abord le Saint-Esprit. Amène-nous le témoignage. Vous réalisez? Ne dites pas, mais il y a où servir un ami. Mais servir dans beaucoup de choses. Amen. Et c'est pour même pour montrer l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Il peut prier. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, certaines choses marcheront, et d'autres non. Tu vas te consoler toi-même, sans que le vrai consolateur ne t'apporte la vraie consolation. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous exauce. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Amen. Que Dieu soit miséricordieux envers son âme. Il t'apporte le pardon de péchés. La grâce d'être délivré. Il y a une délivrance totale. Lève-nous pour la prière. Et si faible tu es fort. Jésus, gardez-moi du mal. J'essaierai satisfait tous les jours comme je marche. Gardez-moi près de toi. Oh, marchez toujours avec toi. Jésus exauce ma prière, marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oh, marche toujours avec toi. L'agneau Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Oh, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde de paix de piège, marchez toujours avec toi. Et la lune se déclenche ma prière. Marchez toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Ma faible vie expire et contenter sur la paix. Guide-moi en sécurité, belle image de ton royaume. Oh, marcher, marcher toujours avec toi, dis mon agneau. Ma prière, marche toujours vers toi, même que l'on soit un péché, Seigneur. Prions chacun. Mandalam Okonomoko. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous sommes heureux de ta présence, de ta vérité, de ton message évangélique, de ton secours véritable, à travers les situations de nos vies sur terre. Sois le vrai berger pour chacun. Sois notre guide en profondeur. Tiens-nous par la main pour conduire pas à pas. Ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Dis à n'importe quoi. Dis à n'importe quoi. Nous avons plusieurs défis à relever. Des batailles à mener. Mais dans la victoire de Golgotha. Laisse-nous marcher suivant ton modèle. Et produire la vie terrestre que tu avais menée. Pour honorer le combat que tu as livré. Au profit de nos âmes. Exauce chaque prière. Relève chacun de nous de cette faiblesse. De toute bassesse. Afin d'avoir le caractère précis. De fils ou de fille du roi. Afin de surmonter toutes choses. Et d'avoir un langage positif. Un témoignage favorable auprès de Dieu. Assiste-nous chaque jour. Car tu sais que sans toi nous ne pouvons rien faire. Toi Jésus-Christ, tu es le premier né d'entre les morts. Le premier né des morts. Le premier, c'est ceux qui sont morts. Mais nous sommes là derrière toi. Appelés par toi. Délivrés par toi. Sauvés par toi. Pardonnés par toi. Régénéré par toi. Transformé par toi. Et nous finirons comme étant la suite du premier-né. Étant la suite de ce frère. Doivent ressusciter d'entre les morts. Aie pitié de nos âmes. Et répand le Saint-Esprit de la pastorale. Confirme ta victoire. À tous égards. Dans la vie de chaque fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir.